Mais que s'est-il passé un 8 mai ? En 1982, Gilles Villeneuve a perdu la vie lors des qualifications du Grand Prix de Belgique à Zolder. Une incompréhension avec la marche de Jürgen Mass lors de son dernier tour a résulté en un contact et un effroyable accident. Le pilote canadien était âgé de 32 ans, il a remporté 6 victoires en Formule 1, la dernière à Jarama en Espagne en 1981. En 2005, Kimi Raikkonen remporte le Grand Prix d'Espagne, sa première victoire de la saison, devant Fernando Alonso et Jarno Trulli. Seules 18 voitures ont pris le départ du Grand Prix, puisque les Baronda de Jenson Button et Takuma Sato ont été bannis de 2 courses, après l'affaire du double réservoir lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola. En 2011, Sébastien Vettel remporte le Grand Prix de Turquie à Istanbul. C'était la dernière édition du Grand Prix avant son retour en 2020, et ce fut une nouvelle preuve de la domination des Red Bull à moteur Renault, Mark Webber terminant au deuxième rang. Fernando Alonso a ce jour-là complété le podium sur sa Ferrari. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain.